Exercice 7, page 140. Virlang. Ton doudou est tout doux. Ton doudou est tout doux. Ton doudou est tout doux.